Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire dite de Bruet-en-Artois, qui débute un jour d'avril 1972, quand on découvre le corps de la fille d'un mineur âgé de 15 ans, Brigitte de Vèvres. C'est un temps où les compagnies de charbonnage s'éteignent, où les dernières gueules noires descendent dans les puits. À Paris, Jacques Chaban-Delmas, premier ministre, promet une nouvelle société où les mines ne seraient plus qu'un souvenir. Mais en ce printemps 1972, ceux qu'on avait presque oubliés, les mineurs, réapparaissent avec leurs maisons, leurs maux et leurs malheurs. Pour Brigitte et ses parents, les ouvriers des mines se sont mobilisés pour faire remonter la vérité à la surface. 40 ans après, toutes les fosses sont closes, mais le mystère autour de la mort de cette jeune fille reste entier. C'est un crime non élucidé. Et puis il est le premier fait divers dont la télévision va s'emparer, le racontant comme un feuilleton, développant chaque jour les rebondissements de l'enquête. Et quand les journalistes débarquent à Bruet, tous les ingrédients de la chronique judiciaire sont réunis. Un décor, une rue en plein cœur des corons, des terrils comme horizon, des maisons et jardins identiques, un terrain vague, un grand parc et une belle demeure. Un coupable idéal, un notaire, vieux garçon, le visage rond, qui traîne le soir, soit chez sa maîtresse, soit dans les clubs où travaillent les filles de joie. Et puis un juge, un homme du Sud, échoué à Béthune, à l'accent enchantant et à l'idée fixe, celle d'une justice libre et transparente. Enfin, une foule solidaire, colérique et émotive, dont quelques agitateurs gauchistes tenteront de récupérer la douleur. Notre invité aujourd'hui, Pascal Cauchy, historien, maître de conférences à Sciences Po Paris. En 2010, il a publié un livre sur l'affaire de Bruet-en-Artois, intitulé « Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça », édité chez Larousse. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Avril 1972, Bruet-en-Artois, nord de la France. En ce début de décennie, un monde s'éteint peu à peu, celui de la compagnie des mines. Des années prospères, il ne reste que la fosse 6 en activité et des maisons en briques rouges collées les unes aux autres. C'est là, rue de la Comté, qui mène au carreau de la mine, que vit Philippe, 12 ans. Il est l'un des 7 enfants de la famille de Vèvres qui habite au numéro 16. En fin de matinée, ballon sous le bras, il part jouer avec ses copains sur le petit terrain vague derrière les jardins des maisons. Oh, pour y aller, c'est assez simple. Il suffit de remonter la rue de la Comté, de prendre la rue de Ranchicourt et de tourner sur le chemin de terre qu'on appelle la petite voyette. Pour atteindre le terrain vague, on peut également prendre la voyette par l'autre bout, rue de la République. Là, à quelques mètres du début de chemin, se trouve l'étude du notaire Maître Leroy. En face, il y a une grande maison blanche. Ici vit la fille Mayer, Monique, l'une des héritières des magasins de meubles de la région. Elle y habite avec ses enfants et sa mère. Derrière la demeure se trouve un grand parc, aussi long que le terrain vague et les jardins des mineurs. Une simple haie sépare ces deux mondes, celui de l'héritière et celui des mineurs. Ce 6 avril, en fin de matinée, Madame Mayer est dans son parc où elle taille sa haie pendant que Philippe et ses amis jouent au ballon sur le terrain vague. Vers midi, aux fenêtres des corons, on entend les appels à venir à table. Après le déjeuner, Philippe est de retour sur le terrain. Désormais, c'est avec un tonneau abandonné qu'il s'amuse. Le tonneau tourne, ricoche de pied en pied, puis se niche près d'une butte. Alors Philippe va le chercher. Et c'est à ce moment précis qu'il voit des jambes nues, recouvertes d'un pneu. Il accourt chercher Jean-Pierre, le plus âgé des copains, pendant qu'un autre enfant lui fait venir son père. À 17h, la police est sur place. Elle découvre un corps habillé d'un simple chemisier écossais ensanglanté et d'un soutien-gorge en partie arraché. Il y a des traces de coups et de strangulation. Son visage est tuméfié. Il y a deux larges plaies sur le front et la calotte crânienne est sectionnée. Dès l'annonce, les gens des corons accourent et piétinent le lieu du crime. Un homme s'avance puis déclare « C'est ma fille ». Cet homme, c'est Léon de Vèvres, le père du jeune Philippe, qui n'a même pas reconnu sa sœur, c'est dire l'état du corps et du visage, surtout. Elle s'appelait Brigitte, elle était âgée de 15 ans. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était la veille, en début de soirée. Comme chaque soir, Brigitte partait dormir chez sa grand-mère à 1 kilomètre de leur maison. Pourquoi est-elle morte? Comment? Qui l'a assassinée? La réponse à ces questions dramatiques, c'est à l'officier de police Auguste Ollier et au juge d'instruction Henri Pascal d'y répondre. Dès la découverte du corps, des témoins sont venus raconter leurs souvenirs de cette soirée du 5 avril 1972, ce soir où, à la télé, on retransmettait le match de football Ajax-Benfica. Une infirmière, Chantal, se rappelle avoir repéré une voiture inconnue, une Peugeot 504 blanche. Elle s'est égarée devant chez ses parents, là où elle a l'habitude de stationner la sienne. La voiture était là à son arrivée vers 20h, mais aussi à la fin du film vers 22h30. Intriguée, elle a noté la plaque d'immatriculation. C'est grâce à cette information que les policiers interrogent son propriétaire, un certain Pierre Leroy. Leroy, c'est le notaire dont l'étude se situe de l'autre côté du terrain vague, rue de la République. Qu'a-t-il fait le 5 avril vers 19h45, heure présumée du meurtre ? Au policier, l'homme hésite, puis déclare avoir passé la soirée chez Madame Mayer, sa maîtresse. Bien. Et quand est-il arrivé ? Vers 20h30, soit bien après que sa voiture a été repérée par l'infirmière. Ça ne colle pas. Le 13 avril, soit 7 jours après la découverte du corps, Maître Leroy est inculpé. Un notaire, accusé d'avoir assassiné une fille mineure, pour les médias, l'affaire est savoureuse. Désormais, rue du Comté, à chaque fois qu'on ouvre la porte, un micro ou une caméra apparaît. Vous la connaissiez, vous ? Oui, moi je la connaissais, c'était une de mes anciennes copines. Oui, comment est-ce qu'elle était ? Elle était assez lancée, quoi. Oui. Forte. Timide. Enfin, fort timide, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui lui est arrivé, là ? Vous arrivez à croire que ça puisse être... Notaire. Le roi qui fait ça. Bah, écoutez, ça peut arriver. On pense que c'est pas lui parce qu'il est riche, mais ça peut aussi bien arriver à un riche qu'à un pauvre de tuer quelqu'un. Enfin, si c'est lui qui a bien son jeu. Enfin, hein, votre amie Brigitte était une jeune fille calme et. Oh oui, très très calme. Sérieuse. Très sérieuse. Elle ne parlait à personne, elle ne disait même pas bonjour aux voisins. Hein. Une fille de mineur, Brigitte Devèvre, 15 ans, sans histoire, a été retrouvée morte un soir d'avril 1972. Encore une fois, question lancinante. Qui l'a tuée et pourquoi ? Le premier suspect s'appelle donc Pierre Leroy. 37 ans, vieux garçon, il loge chez sa mère à Oudin, à 4 km de Bruay et de son étude. Il est grand, robuste, la calvitie prononcée. Leroy est un enfant des terrils et des corons, mais il est né du côté des notables. Les dernières gueules noires de la mine, il les a rencontrées sur les bancs de l'école de la ville. Lui a poursuivi ses études et il est devenu notaire comme son père. À Bruay, Leroy est une personnalité reconnue. On le voit souvent dans les tribunes du stade de foot ou au Rotary Club, un lieu huppé où l'on retrouve les petits notables du coin, chefs d'entreprise, fils de et avocats. Ce 5 avril au soir, sa voiture est égarée rue Ranchicourt. Pourquoi ? Lors de son premier interrogatoire, Pierre Leroy raconte qu'il a quitté son travail, puis qu'il a rejoint son domicile vers 18h30 pour changer de chemise. Vers 19h40, il a pris la route pour tester sa voiture qui avait tendance à chauffer. C'est vers 20h35 qu'il se gare. Mais pourquoi s'est-il garé là ? Eh bien, le notaire préfère passer par le parc, à l'arrière de la maison de sa maîtresse, Madame Mayer. C'est plus discret. Même si la femme est en instance de divorce, il ne souhaite pas qu'on le voie chez elle. Arrivé à destination, il aurait mangé un repas froid, regardé le match, puis joué aux cartes, avant de partir. L'inspecteur vérifie. Est-il bien passé chez sa mère pour changer de chemise ? Elle ne s'en souvient pas. Son frère non plus d'ailleurs. Monique Mayer, elle, confirme sa présence, mais parle d'un repas chaud avec une belle pièce de viande. Un autre témoin pourrait confirmer ou non les dires de Pierre Leroy. C'est la mère de sa maîtresse. Malheureusement, le jour de la découverte du crime, elle était amenée dans un couvent. L'inspecteur n'a pas les moyens de la rencontrer. Et c'est le 11 avril que le juge place Pierre Leroy en garde à vue. Après une nuit passée derrière les barreaux, il reconnaît être arrivé plus tôt rue de Ranchicourt. En attendant l'heure de son rendez-vous prévu à 20h30, il dit avoir écouté de la musique dans sa voiture. Mais un autre élément va intriguer les enquêteurs et le juge. Lors de sa garde à vue, Pierre Leroy reçoit la visite de sa maîtresse qui lui apporte sandwich et couverture. Mais pas seulement. En effet, on découvre dans sa cellule un porte-monnaie contenant des feuilles sur lesquelles Madame a écrit ce qu'elle a répondu aux enquêteurs lors de son interrogatoire. Le 17 avril, Pierre Leroy est amené à Béthune chez le juge pour y être interrogé. Dans les couloirs, les journalistes profitent de l'arrivée du suspect pour interroger son avocat et M. Leroy. Il continue à nier, non ? Absolument, absolument, absolument. Comment est son moral ? Si vous permettez, on va lui poser la question directement. Mais je ne sais pas si vous pourrez, puisqu'on n'avait rien à retenir. Tu peux répondre, aucun problème. Pardon ? Tu peux répondre, aucun problème. Oh, j'ai jamais rien fait, moi, personnellement, jamais rien fait. Comment avez-vous passé ces trois journées, ces trois premières journées en prison ? très calmement. Le moral ? Oui, sûrement. À la sortie de l'interrogatoire, c'est au juge Pascal qu'on tend le micro. À la question « Y a-t-il des charges contre le notaire ?», avec son accent du Sud, le magistrat répond « Non » et s'en explique. Non, il n'y a pas de preuves matérielles caractérisées. Tout repose sur des raisonnements logiques, des déductions. On a dit que vous étiez persuadé, vous, de sa culpabilité. Moi, je ne suis jamais persuadé de la culpabilité de quelqu'un. J'examine seulement si les charges qui pèsent contre quelqu'un sont suffisantes, et s'il existe des présomptions suffisantes pour pouvoir entraîner une inculpation, et puis c'est tout. Les présomptions, les charges qui pèsent contre lui sont des charges sérieuses. Ces charges sont-elles suffisamment sérieuses pour entraîner une condamnation, par exemple? Eh bien, il est beaucoup trop tôt pour le dire, je ne peux pas vous le dire, ça vous comprenez. Elles sont suffisantes pour entraîner une inculpation. Et ces éléments pour l'inculper étant suffisants, je l'ai fait. Si les présomptions sont fortes, tous les témoignages n'accablent pas le notaire. Tiens, prenons celui de Dominique Roget. Vers 19h45, cette jeune femme de 20 ans est passée par la rue Ranchicourt pour rentrer chez elle. Elle a aperçu la jeune Brigitte en compagnie d'un homme d'environ 25 ans, dont elle n'a pas vu le visage. Il portait un pull gris foncé à col roulé. Ils se parlaient près des garages sur une plateforme de béton. Pour elle, c'était bien Brigitte. La plateforme se situe tout au bout du parc de Madame Mayer, mais après l'intersection du chemin de terre. Une autre fille, Micheline, a également vu Brigitte ce soir-là. Elle aussi, rue Ranchicourt. Mais ce n'est pas la seule personne qu'elle a rencontrée. Elle a également croisé Jean-Pierre, un voisin qui habite rue du Comté. Lors de son interrogatoire, ce garçon a juste indiqué qu'il rentrait chez lui pour ne pas rater le match. Aucune de ces trois personnes n'a vu le notaire. Plus les jours passent, plus l'affaire devient nationale. Tous les journaux, radio, télé parlent chaque jour de l'affaire et tout rebondissement fait la une. C'est le cas le 22 avril. On annonce l'arrestation d'un jeune homme qui s'accuse du crime de Brigitte. Alors, le juge aurait-il été trop vite? Non, c'est plutôt la presse, car ses aveux ne correspondent pas avec les conclusions des médecins légistes. Dont acte, le roi reste le suspect numéro un et la tête d'affiche de cette affaire. En attendant les preuves, c'est la vie de l'accusé que la presse dissèque. Dans les colonnes des journaux, on dresse son portrait, vieux garçon, fils d'eux, l'homme respecté aussi, un habitué des clubs au néon fluorescent où des filles se déshabillent pour quelques verres et quelques billets. Le 27 avril, sous les projecteurs et le regard d'un millier de passants, une première reconstitution est organisée sur les lieux du crime. Tout le coron est sur place, derrière les grilles et les gendarmes. Pierre Leroy est amené, conspué. On l'assoit au volant de sa voiture où s'est installé le juge, lui aussi. Ensemble, ils reprennent la route et refont le trajet présumé du 5 avril 72. Chronomètre en main, ils calculent les durées des trajets du notaire entre son domicile, sa virée sur les routes départementales et son arrivée à Bruay. Malgré une route totalement libérée par les moteurs, il manque 22 minutes au chronomètre. Maître Leroy n'a pas pu partir de chez lui à l'heure dite. Puis vient le temps des témoins et des confrontations. On présente le notaire Leroy, Dominique Roget, la jeune fille qui a vu Brigitte au bras d'un homme au pull col roulé. Pour elle, ce n'est pas lui, non, il est trop corpulent. Le juge demande alors à Jean-Pierre, le voisin de la victime vue dans la rue également, d'enfiler lui aussi un pull à col roulé. Dominique Roget le trouve trop fluet. Alors le juge tente sa chance avec Madame Mayer. Effectivement, avec ses cheveux courts, on peut la prendre de dos pour un garçon. Mais est-ce bien elle qu'on a vue au bras de Brigitte? Le témoin ne peut l'affirmer. Malgré les soupçons, la reconstitution et les confrontations n'ont rien apporté. L'enquête tourne en rond et tout naturellement, le parquet ainsi que les avocats de Maître Leroy demandent la remise en liberté du notaire. Le 2 mai, le juge Pascal rejette la demande et s'en explique au micro des journalistes. J'ai donc rendu deux ordonnances qui sont évidemment dans leur motif absolument identiques. Ces ordonnances sont, je pense, très fortement motivées. Elles sont en tout cas très longues puisqu'elles tiennent 10 pages d'actylographie chacune. Mais sur ces 10 pages, messieurs, vous n'en connaîtrez aucune ligne. Je ne vous en lirai aucune ligne. Tout est tenu secret. Et vous ne saurez pas pourquoi, vous ne saurez pas pour quel motif exactement je rends la décision que vous allez connaître. Il vous appartiendra donc de deviner, de supposer, de conjecturer, d'imaginer, d'inventer tels ou tels motifs qui vous passeront par l'esprit. Motifs que vous indiquerez, que vous ferez connaître à vos lecteurs ou à vos auditeurs, voilà où nous en sommes. Le juge sait qu'il entame une course contre la montre. La mise en détention d'un notable sans preuve matérielle n'est pas du goût de tout le monde. C'est que cet homme a des amis, des connaissances, qui ne comprennent pas ce juge qui parle beaucoup. Car la condition sociale de l'accusé comme celle de la victime est un élément central dans cette histoire. De fait divers, l'assassinat de Brigitte Devèvre est devenu un fait social. Sur ce terrain vague, on rejoue la lutte des classes. Les journalistes accentuent le décor, se croient dans Zola, alors que certains militants politiques, comme ceux de la gauche prolétarienne, font appel à Marx pour comprendre ce crime. Les médias jouent un grand rôle dans cette histoire en publiant chaque jour de nouveaux articles et reportages. Médias spécialisés, médias locaux, médias nationaux, chacun joue sa partition et suit les mouvements de la foule, attaquant la personnalité de Bruet qui devient le notaire assassin. Puis viendra le tour du petit juge, l'étrange juge Pascal. L'affaire fut à un moment l'affaire Brigitte Devèvre, du nom de la victime, non. Et d'ailleurs, que sait-on d'elle, de sa vie, de sa famille? En vérité, la justice est ballottée entre le poids de l'institution, les pressions internes et locales, et ce juge, ce petit juge, comme on l'appelle désormais, qui veut brandir l'étendard d'une autre justice sans complaisance, transparente. Après un mois d'enquête, la tension est au paroxysme. Le 5 mai, les inspecteurs à la recherche de preuves supplémentaires décident d'aller réinterroger les parents de la victime. À leur sortie, les habitants de la rue les attendent et les pourchassent en criant le nom de Mayer. Madame Mayer, c'est sans doute l'une des clés de ce mystère. Elle est la maîtresse du principal accusé et propriétaire de la maison et du parc qui jouxte le terrain vague où était retrouvée la victime. Le 20 mai 1972, après plusieurs refus, elle décide de répondre aux questions des journalistes de 24 heures pour la 2. Toute cette histoire est lamentable. La mort de cet enfant est lamentable et les accusations de Pierre Leroy et victime sont lamentables. On accuse Maître Leroy d'avoir tué la jeune Brigitte. Il ne la connaissait pas, cet enfant. Et il n'avait aucun mobile qui pouvait justifier cette conduite. Maître Leroy a quand même l'habitude du droit, et de par ses études et de par sa profession. Or, il a été retenu le mardi suivant le crime, soit 6 jours après le meurtre de la jeune Brigitte. Pourquoi alors n'aurait-il pas forgé un alibi inattaquable? Pourquoi, au lieu de nous asseoir à table pour souper, le soir du crime, à 25 mètres de la victime, ne pas avoir porté le corps en le mettant dans un coffre de voiture, le dissimuler bien loin? Au contraire, pourquoi Pierre Leroy aurait-il laissé le corps sous mes fenêtres après l'avoir fait traverser une haie? La voiture de Pierre Leroy est restée 12 jours au commissariat avant que l'on ne pense à l'envoyer au laboratoire. Quant aux perquisitions, on recherchait encore des vestes chez Maître Leroy un mois après le crime. Est-ce parce que les premières perquisitions auraient été faites en dépit du bon sens ou avec incompétence? De plus, elles n'ont rien donné. J'ai pu vous jurer sur la tête de mes propres enfants que ni Maître Leroy ni moi-même ne sommes pour quoi que ce soit dans cette lamentable histoire. Un trou de mémoire peut-il seul servir de base à une inculpation? Je suis surprise de voir avec quelle bonhomie, avec quelle volubilité on a révélé tout ce qu'il y avait dans le dossier et même davantage, et avec quelle légèreté on a traîné des familles entières dans la boue. Mais de toute façon, j'ai foi en la justice et j'espère que bientôt on verra les choses sainement et équitablement et que nous verrons, nous, la fin de ce martyre. Reste un témoin qui n'a toujours pas été interrogé, la mère de Madame Mayer, présente chez sa fille la nuit du drame. À la fin du mois de mai, le juge Pascal obtient l'autorisation de l'interroger. Dans ses souvenirs, la vieille dame ne se souvient pas d'avoir vu sa fille et Monsieur Leroy en même temps. Était-elle apte à se rappeler avec précision? Et si ce n'était pas le cas? Et si Monique Mayer et Pierre Leroy avaient menti? Le cas échéant, où étaient-ils ce soir-là? Une autre question reste en suspens, le mobile du crime. Ni Pierre Leroy, ni Monique Mayer ne connaissaient la victime, alors pourquoi l'assassiner? En ce début d'été 1972, les articles s'amoncellent, mais les questions demeurent. On fumait des gauloises bleues, la la la, les beaux jours. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux, la la la. Les beaux jours, les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'Aisne, parfois je voyais Verlaine, la la la. les beaux jours. Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps nous disait du haut de ses nuages d'où venait le vent. Oh, les beaux jours. Dylan cultivait sa terre quelque part en Angleterre. La la la, les beaux jours. Jefferson Airplane s'installait à la présidence car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutique à musical au boulevard du rock'n'roll. La la la, les beaux jours. Le temps a passé, court-circuité les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues. Clichy. Oh, les beaux jours. Oh, les beaux jours. Boris inventait le jazz tous les soirs au bal des Lazes. La la la, les beaux jours. Et sa trompinette mettait le feu au lampion. Duke Ellington arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. La la la, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. La la la, la la la. Le 30 juin 1972, on a ressorti les micros et les caméras autour du palais de justice de Béthune, car le juge Pascal entend un nouveau témoin qui pourrait faire basculer l'enquête sur l'assassinat de Brigitte Devèvre. Le soir du crime, un certain Clément Leblanc, manipulateur en radiologie, est en quête d'un transistor pour sa famille. Mais quand il arrive au magasin, celui-ci est fermé. Il est 19h45. Avant de repartir, il veut soulager une envie pressante. Rue Alfred-Leroy, il y a une voie sans issue. Alors il se pense à l'abri des regards. Sauf que, derrière lui, un couple passe. Selon ses souvenirs, il s'agissait d'un homme assez fort et légèrement chauve et d'une jeune fille à son bras. Une jeune fille de 16-17 ans. Quand il sort de l'impasse, Clément remarque une Peugeot blanche avec une femme à l'intérieur, la trentaine, qui semble observer le couple qui s'enfonce dans l'impasse. Est-ce le notaire et Brigitte? Est-ce Madame Mayer dans la voiture? Au bout de cet embryon de rue, il y a des jardins et un mur par lequel on peut atteindre facilement la rue Ranchicourt. Avec ce nouveau témoignage, le juge Pascal décide d'organiser le 12 juillet une nouvelle reconstitution avec l'ensemble des témoins et cet homme. Le témoin reconnaît l'allure de Pierre Leroy, mais il doute sur celle de Dominique Mayer. Plus l'enquête avance, plus elle se fragilise, plus elle devient floue. Derrière les grilles et les caméras, on s'interroge sur cette nouvelle pièce du dossier. N'est-ce pas l'enquête qui se trouve dans une impasse? Le 30 juin, les avocats de la défense déposent une requête en suspicion légitime à l'encontre du juge. Le lendemain de la reconstitution, Henri Pascal joue sa dernière carte. Il inculpe Monique Mayer et l'envoie en prison. A-t-il été trop loin? Quelques jours plus tard, le 18 juillet, la cour d'appel d'Amiens prend acte et la libération de Pierre Leroy, mais le juge est désavoué. Il n'y a plus qu'à attendre la décision au sujet de la requête en suspicion légitime. Au micro de France Inter, il laisse entendre que son dessaisissement n'est pas loin. Alors que tout est mis en œuvre en France pour la sauvegarde des libertés individuelles et pour que tout délinquant, tout criminel bénéficie de toutes les garanties possibles et de jour en jour plus fortes, un juge qui est accusé de partialité ne peut se défendre. Il n'est pas entendu. La défense sera entendue. L'accusation, si l'on peut appeler l'accusation, le parquet actuel, sera entendue. La partie civile sera entendue. L'accusé, qui est le juge, ne sera pas entendu. Et cependant, il est accusé d'une chose absolument terrible, la partialité. Pour un juge, quoi de plus terrible? Le juge d'instruction accusé, ne sait même pas qu'il fait l'objet d'une requête en substitution légitime. Il ne le sait pas officiellement. Voilà pourquoi les requêtes en substitution légitime, en général, sont très difficilement admises, mais là n'est pas le vrai problème. Si la requête est rejetée, malgré tout, la Cour de cassation a le droit de dessaisir le juge. Alors, la grande astuce est celle-ci. On présente une requête. Cette requête est peut-être rejetée. Mais comme le seul fait de la présenter montre que les relations existantes entre la défense, le parquet et le juge sont des relations tendues, eh bien, on peut se dire, la justice sera mieux rendue ailleurs, et on dessaisit le juge. Deux jours plus tard, l'annonce tombe. Malgré le rejet de la Cour de cassation de la requête en suspicion légitime, le parquet dessaisit le juge Pascal. Désormais, c'est loin du Nord et de la pression populaire que la recherche de l'assassin de Brigitte Devèvre s'organise. L'enquête et l'instruction sont désormais sous les ordres du juge parisien Jean Sablérolle. L'une de ses premières décisions est de remettre en liberté Monique Mayer dès le 31 juillet. À sa sortie de prison, elle réaffirme son innocence. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous aviez été incarcéré? Est-ce que vous avez cru à ce moment-là que c'était fini pour vous deux, aussi bien pour Pierre? Non, absolument pas. Je n'ai jamais perdu espoir, je n'ai rien fait, donc je ne vois pas pourquoi on me mettrait en prison et on m'y garderait. Il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas compris, mais enfin ça s'éclairera, il n'y a pas de raison, je n'ai jamais rien fait. Donc est-ce que vous pensez que le dessaisissement du juge Pascal va faciliter les choses? De toute manière, ça ne pourra pas les compliquer, je ne sais pas moi. Est-ce que vous pensez que vous l'avez appris en prison aussi, cette nouvelle? Oui, toujours par la TSF. Est-ce que vous pensez que vous pourrez retourner à Bruay maintenant avec l'atmosphère qui règne là-bas? Oh écoutez, on va laisser se tasser les choses, après on verra. Est-ce que c'est vrai que vous avez vendu votre maison, qu'elle est en vente? Ou que non monsieur, j'aime beaucoup ma maison et je la garde. Alors, vous voulez où je conduis moi? Merci madame. En ce mois d'août 1972, soit 5 mois après la découverte du corps de Brigitte, l'enquête repart à zéro. À Bruay, Monique Mayer regagne sa demeure. Pour les gens de la rue du Comté, c'est l'incompréhension. Ils viennent de perdre leur juge qu'ils respectaient. Ils sont désormais seuls, ou presque. Depuis le début de l'affaire, des membres de la gauche prolétarienne, un groupuscule gauchiste enfant de mai 68, mènent également l'enquête. En plus d'articles et de numéros spéciaux de leur journal intitulé « La cause des peuples », ils lancent un comité vérité et justice et réalisent quelques actions d'éclat. Ce sont eux, notamment, qui sont à l'origine d'une grande manif de Bruay jusqu'à Béthune ou de la grève de la faim pour dénoncer le dessaisissement du juge Pascal. Mais ces actions auront peu d'écho. Les vacances d'été, la situation financière, les remous internationaux sont devenus plus importants que ce drame. Alors on range les micros et les caméras dans l'attente du prochain rebondissement significatif et on passe à autre chose. Il faudra attendre près d'un an avant que Bruay ne refasse la une. Nous sommes le 18 avril 1973, sur les ondes de France Inter, Yves Mourouzi annonce. Bruay en Artois peut être la phase décisive. De rebondissement en rebondissement, après 1 an et 12 jours d'enquête, le juge Sablérolle est-il parvenu à découvrir l'assassin de Brigitte Devèvre, trouvé étranglé et mutilé, vous vous en souvenez, dans un terrain vague, le 6 avril 1972. La question semble avoir trouvé une réponse hier soir avec l'arrestation de Jean-Pierre, camarade de Brigitte, qui après avoir été interrogé comme témoin par le juge Pascal, a avoué hier dans la soirée être le meurtrier de la jeune fille, Loge Boissonnade. Oui, j'avais rendez-vous avec Brigitte, a-t-il déclaré. Nous avons chahuté, sans le faire exprès, elle m'a griffé. Je l'ai poussée et elle est tombée. J'ai alors pris peur et l'ai étranglée. Ensuite, je suis allé chez mon frère chercher une hache pour la frapper afin de maquiller le crime. Jean-Pierre s'accuse du crime de Brigitte. Ses aveux sont publiés dans la presse. De plus, les inspecteurs ont retrouvé une paire de lunettes chez lui. S'agit-il de celle de Brigitte? Ni sa mère, ni son opticien ne le confirment. Dans les salles de rédaction et dans les cafés, on pense l'affaire enfin résolue. Pourtant, dans les corons, c'est l'incompréhension. Rue du Comté où Jean-Pierre vit, personne ne croit à ses aveux, pas même les parents de Brigitte. Rien à vous dire, je ferme la porte et vous allez, allons. Quoi. C'est pas la peine d'insister, allons, vous voyez bien. Vous ne croyez pas à la Je crois rien du tout. Est-ce qu'on vous a présenté les pièces à conviction? Non, pas encore. C'est comme l'affaire Valouane, c'est encore la même chose, quoi. La même chose. Ben là, c'est encore la même chose. On cherche un malheureux. On n'a jamais pu vous faire. Vous le connaissiez, ce garçon. Pour vous, vous avez confiance en lui. Allez, route. Jean-Pierre est maintenant en prison. Dit-il la vérité ou non? Le nouveau juge mettra un an à réaliser une reconstitution pour mettre en acte ses paroles. Une nouvelle fois, la foule est au rendez-vous pour observer de loin, derrière les barrières, ce Jean-Pierre qui refait le chemin du crime. Ses aveux se heurtent alors à la réalité. Le corps lui semble très lourd à porter. Sur les photos de la presse, on le voit tirer difficilement, posant ses mains sous les bras. Pourtant, aucune lésion aux bras et aux mains de la victime n'ont été repérées par le médecin légiste. De plus, les habits de la victime n'étaient pas déchirés, alors que s'il avait traîné le corps à travers le parc de Mme Mayer et le terrain vague, la manipulation aurait laissé des traces. Donc, était-il seul, accompagné, ou simplement est-ce un autre qui a tué la jeune Brigitte? Des années plus tard, le juge Pascal publiera un livre sur cette affaire. Même si Jean-Pierre fut pour un temps l'un de ses suspects, il n'a jamais cru à ses aveux. Et encore moins ce que la presse en a retenu, information incomplète selon lui. Par exemple, aucun journaliste ne mentionne l'insistance de Jean-Pierre à dire qu'il n'a jamais frappé la victime. Pourtant, avant de mourir, Brigitte a reçu un grand coup sous le menton. Lors de ses aveux, Jean-Pierre a indiqué avoir utilisé d'abord une barre de fer, puis il a parlé d'une hachette. Très bien. Mais selon le rapport légiste, l'instrument utilisé dans la mutilation de Brigitte était un objet contondant et tranchant, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'une hachette. Avant son procès, Jean-Pierre reviendra sur ses aveux. Pourtant, la justice préfère le laisser en prison en attendant son audition au tribunal. Pierre Leroy, toujours inculpé, se marie avec Madame Mayer. Le 21 août 1974, la chambre d'accusation de Paris prononce un non-lieu en leur faveur. Jean-Pierre, lui, attend son procès qui s'ouvre en juillet 75. Devant le tribunal, la mère de Brigitte est là, sous le poids des questions qui la hantent depuis 3 ans. Alors on fait un procès sur une enquête non terminée. Nous n'avons pas la preuve de la culpabilité de Jean-Pierre et nous n'avons pas la preuve de la non-culpabilité non plus des époux Leroy. Nous sommes acharnés pour trouver la vérité complète sur la mort de notre fille. Et d'un autre côté, il y a un acharnement, c'est celui de la justice à ne pas vouloir découvrir cette vérité. Ce que j'attends du procès, du verdict tout au moins, c'est que avant de parler de condamnation, qu'on établisse la culpabilité ou la non-culpabilité de Jean-Pierre. Je veux savoir qui a tué ma fille, combien ils étaient et surtout pourquoi. Et finalement, Jean-Pierre est acquitté au bénéfice du doute. Alors, qui a tué Brigitte Devèvre? Avec quelles armes? Mais surtout, quels sont les motifs de ce meurtre? L'affaire de Bruy en Artois reste sans réponse, ce qui en ajoute au drame et à la douleur des parents. Tout au long de leur vie, ils ont poursuivi les recherches, rédigé des rapports et des dossiers pour rouvrir l'enquête et enfin trouver des réponses. Mais ils sont morts, les parents de la victime, avec ces questions, hantées par le cauchemar de cette nuit du 5 avril 1972, cette nuit où leur fille a été assassinée et où leur vie a basculé. Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent, et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays, qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire de Bruet en Artois avec notre invité Pascal Cauchy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, maître de conférences à Sciences Po et chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po. En 2010, vous avez donc publié un ouvrage sur cette affaire de Bruet en Artois, un livre intitulé « Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça », édité chez Larousse. Certains voudraient nous faire croire que tous les faits divers disent des choses de la société, ce qui est faux. Hein. Certains faits divers sont des crimes de famille, des crimes de cœur, des crimes de jalousie. Alors ça fait de bons récits, c'est vrai, mais parfois passionnants. Et puis d'autres faits divers, la majorité d'ailleurs, disent beaucoup de choses du monde dans lequel nous vivons. Et je crois que cette affaire-là est une sorte de must hein, dans le genre. Et elle tient une place particulière dans l'histoire du fait divers du siècle dernier. Oui, à plusieurs titres. D'abord parce que c'est une des affaires les plus médiatiques de l'histoire du XXe siècle. Alors c'est vrai qu'il y a une configuration plutôt bénéfique. Trois chaînes de télévision, l'affaire en boucle. Tous les Français entendent ou voient les images, se font une idée du paysage et surtout voient des acteurs défiler tous les jours à la télévision pendant au moins 3 mois. L'autre élément, c'est la presse écrite qui va jouer un rôle considérable. On assiste à l'occasion de l'affaire de Bruet à de véritables pics de l'après-guerre, les pics de l'après-guerre en matière de publication pour tous les quotidiens et hebdomadaires. Et puis aussi, on a affaire à une justice de classe, mais pas comme on l'entend d'habitude. La justice de classe, c'est celle qui serait plus dure avec les classes populaires. Mais là, c'est le contraire. Et ça, c'est important. Oui, certains ont parlé, enfin un historien a même dit que l'affaire de Bruet était l'affaire Dreyfus à l'envers. Alors, l'expression est importante parce qu'effectivement, cette affaire de Bruet va diviser d'abord la France en deux. Il y aura les partisans du notaire, tels qu'on l'a entendu tout à l'heure, et les partisans du peuple, c'est-à-dire principalement représentés par les mineurs et la famille de Vèvre. Et cette division, évidemment, nous allons la retrouver à la fois dans la presse, mais également dans un combat politique qui va être mené par certains groupes d'extrême gauche, mais aussi par une presse militante qui va plutôt aller vers le bourgeois, ou au contraire plutôt vers le prolétariat. Quelles sont ces organisations d'extrême gauche qui ont donné de la voix à ce moment-là? Il y a une organisation en particulier, nous sommes dans l'effet de souffle de 1968. Ah, la gauche prolétarienne, non? La gauche prolétarienne, voilà. Qui se revendique du maoïsme, qui possède un hebdomadaire la cause du peuple, et qui va jouer un rôle à la fois d'amplificateur et d'agitateur au sein du coron, et aussi au niveau national. C'est aussi un épisode qui n'est pas mince dans l'histoire de l'extrême gauche, parce qu'on peut considérer qu'avec Bruet en Artois, c'est d'une certaine façon aussi la fin du maoïsme, mais aussi le retournement d'une forme d'extrême gauche qui va abandonner non seulement une certaine violence, mais aussi la violence des mots. Alors on a parlé de la télé, c'est vrai que c'est le premier fait divers mis en scène de façon médiatique comme un feuilleton, et en plus avec des images, et aussi la presse écrite, vous venez de l'évoquer, notamment le journal Libération. Alors, Libération arrive après, il arrive en 1973, mais quand même, l'affaire de Bruet participe à son origine. Une question se pose à l'extrême gauche aujourd'hui, comment traiter du fait divers, comme justement représentation d'une société en crise, etc. Et il faut abandonner le journal militant, la petite brochure Renéo. L'idée, c'est de créer un véritable François Rouge, c'est-à-dire un journal comme François qui montre les faits divers, mais qui en donne une interprétation politique et militante. Et à l'occasion de l'affaire de Bruet, même un petit peu avant d'ailleurs, mais surtout à l'occasion de l'affaire de Bruet, va être créée une agence de presse d'extrême-gauche, l'agence de presse Libération. Sur le terrain vague de Bruet en Artois, ses militants vont créer un petit journal qui va s'appeler Pirate, qui doit rendre compte justement de l'affaire, le fait divers, du fait divers, Bruet en Artois. Mmh. Et ce groupuscule va exploser à l'été 1972. Néanmoins, ceux qui ont été les promoteurs de l'agence de presse Libération et du journal Pirate, nous les retrouvons en février 1973 avec la bénédiction de Jean-Paul Sartre pour créer le journal Libération. Donc Bruet en Artois ferait partie de l'ADN de l'idée. Tout à fait. Voilà. C'est pas la seule raison, mais c'est une raison importante. C'est la fin des corons, hein, cette époque-là. Comment on vit dans cette région de l'Artois? Avec beaucoup d'inquiétude. Avec beaucoup d'inquiétude parce que c'est une région qui est totalement vouée à la mine depuis la fin du 19e siècle et totalement vouée à la mine encore en 1960, le charbon est la première source d'énergie en France. Mmh. Et les puits de Bruet sont considérés comme les meilleures zones de production. Le général de Gaulle va venir d'ailleurs descendre dans la mine, on fera même une blouse à son... Un reportage et une mise en scène. Tout à fait, une vraie mise en scène. 10 ans plus tard, c'est fini. Et ça, c'est court quand même. C'est très court. Ouais. C'est même pas une demi-génération. Donc, en moins de 10 ans, les années de l'expansion, les années au cœur des Trente Glorieuses, vous avez un des principaux secteurs de l'économie, de l'industrie française, qui est en train de disparaître sous les yeux de ses propres acteurs. Donc, on vit très mal. 1972, Chaban-Delmas, Premier ministre, annonce la nouvelle société. Chaban-Delmas dit aux mineurs, ne vous inquiétez pas, nous allons entraîner la population ouvrière vers une reconversion, Dunkerque, les usines Renault de Douai, etc. Sauf que les mineurs, ce n'est pas simplement leur travail qu'ils perdent, c'est aussi leur mode de vie. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien, même pas les paysages. Les paysages se sont transformés, bien sûr. C'est fou, hein. C'est extraordinaire. Mmh. La crise est passée par là. 1972, nous sommes 2 ans avant la grande crise pétrolière, 1978, la seconde. Le choc pétrolier, ce qui va s'en suivre, le chômage de masse, 2% de chômeurs dans les années 60, 15% à la fin des années 90 dans cette région. Donc c'est une région qui va être économiquement sinistrée. Ça se voit dans le paysage, c'est un paysage martyr. Mais en même temps, il y a une des modifications. Les subventions européennes sont passées par là, on a construit des ronds-points. Bref, je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à retrouver totalement les paysages de l'affaire de Bruet, qui était relativement familier, ne serait-ce que dans l'imaginaire. Bruet, c'est Zola, c'est Germinal. Oui. En 2017, aujourd'hui, Bruet n'a plus rien à voir avec ce paysage qui était encore présent en 1972. Alors, au cours de cette histoire, nous l'avons vu, il y a un autre personnage qui est central, évidemment, le juge Pascal, le petit juge, comme on l'appelait. Un juge, disons, nouvelle génération. Une pipelette, on disait ça aussi. Est-ce que la personnalité de ce juge a été l'un des éléments qui a expliqué le retentissement aussi de cette affaire? Est-ce que ça y a contribué? Oh, tout à fait, parce que le juge, d'abord, a eu une attitude qui était assez peu courante à l'époque, c'était de parler aux journalistes. Mais oui, d'où pipelette. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ce serait un comportement normal. Tout à fait. On l'a entendu tout à l'heure dans l'émission. À un moment donné, il prend la parole le 2 mai. Tous les journalistes sont là. On s'attend quand même à un moment décisif dans l'affaire. Il va prendre la parole pendant 3 minutes. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne dira rien. C'est quand même assez extraordinaire. Donc il y a toute une rhétorique du juge. Alors, quel est son combat? Parce que quand même derrière, il porte bien entendu cette affaire, il l'instruit. Ce n'est pas un militant. Hein. Il y a une légende qui fait du juge Pascal un adérent du nouveau syndicat de la magistrature. Ce n'est pas le cas, même si... Ah, ce serait donc juge de gauche, c'est pour ça qu'il voilà. S'en serait pris au notaire. Voilà. Absolument. Mais là, je crois que c'est quelqu'un qui est effectivement très attaché à cette affaire, qui a sa conviction. Sa conviction, je crois, elle est nette et il l'a écrit par la suite. Sa conviction, c'est que le notaire était coupable. Et fort de cette conviction, il a néanmoins appuyé son raisonnement sur un projet qui était celui de rendre une justice ouverte au peuple, c'est-à-dire une justice transparente. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, mais à vous d'imaginer, à vous de penser à partir des éléments que je vous donne, parce qu'il est nécessaire de faire évoluer la justice vers une justice de verre. Et donc, à partir du moment où nous avons une justice de verre, la vérité s'impose. elle s'imposera. Moi, ce que je sais, le peuple peut le savoir, mais il suffit d'imaginer un petit peu. Donc ça veut dire que donner l'impression de parler pour ne rien dire, mais en fait, c'était un geste fort. Tout à fait. Bien. Est-ce que sa méthode a été en même temps l'une des causes de l'échec de cette enquête ? Car rappelons-le, nous ne savons pas qui a tué cette jeune fille. C'est un crime non élucidé. Et ça, c'est un échec pour la justice, toujours, et pour la police. Alors, c'est vrai, c'est un terrible échec. Et on a évoqué tout à l'heure la douleur des parents. La justice a prescrit l'affaire en 2005. Donc, vous imaginez la durée invraisemblable de cette enquête. Oui, le juge Pascal, d'une certaine façon, porte une certaine responsabilité parce qu'il fait durer l'enquête ou il dirige l'enquête vers le notaire et sa compagne, et écartant peut-être un peu vite un certain nombre d'autres pistes. Et ce sont des semaines qui vont être perdues. Alors, puisqu'on parle d'autres pistes, il y a eu celle de Jean-Pierre, le camarade d'un adolescent comme Brigitte, qui a avoué devant les policiers, devant le juge, puis qui s'est rétracté. On va écouter les propos de l'avocat Georges Kegeman, qui raconte la réaction des parents de Brigitte à cette nouvelle. C'était au micro de Frédéric Lantieri pour Faites entrer l'accusé de mars 2017, diffusé sur France 2. Non seulement la famille ne croit pas à la culpabilité de Jean-Pierre, mais elle ne veut pas y croire. Pour les parents de Brigitte, il y a un seul coupable possible. Pourtant, les aveux de Jean-Pierre sont plutôt très circonstanciés, comme on dit. Il les avait fait d'abord dans un premier temps devant les policiers, ses aveux, et il les a renouvelés deux fois devant des juges d'instruction. Mais Jean-Pierre revient sur ses aveux. Il revient sur ses aveux, et comme il a 16 ans, on se dit, c'est peut-être après tout un acte de vanité troublée. Est-ce que vous diriez que les parents de Brigitte Devèvre ont été influencés par les partis d'extrême gauche, par exemple les maoïstes ? C'est absolument certain que les parents de Brigitte ont vécu dans ce que j'appellerais la fièvre maoïste du moment. Mais enfin, ils ne sont pas intellectuellement armés pour résister à cette pression qui fait qu'ils sont eux-mêmes devenus des héros de la lutte des classes. Ils sont là pour que leur fille ne soit pas morte bêtement sous les coups d'un bourgeois. Donc voilà leur point de vue. Et ils ne peuvent plus en sortir. Pauvres gens, les parents qui sont morts sans avoir... connu le fin mot de la vérité, ce qui est une double peine et on veut bien le comprendre. Qui était ce Jean-Pierre ? Le Jean-Pierre est un des voisins de la famille Devèvre. Il est orphelin, ses parents étaient mineurs, enfin son père était mineur, il vit dans les corons, il a 15-16 ans, c'est un jeune adolescent, un peu livré à lui-même. C'est vrai qu'à 16 ans, on n'est plus forcé d'aller à l'école encore en 1972. Oui, c'est vrai. Et les premières convictions contre le notaire, et pas seulement les premières convictions, mais celles qui ont suivi, qui se sont renforcées, ont sauvé Jean-Pierre, selon vous ? Alors, Jean-Pierre, le cas Jean-Pierre, puisque je reprends le titre d'un ouvrage, est quand même assez intéressant. D'abord, il va poser la question de la justice des mineurs. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne se l'était pas vraiment posé jusqu'alors, et la question de la jeunesse a été posée par mai 68, et le cas Jean-Pierre va donner lieu à... Aussi, c'est l'idée de Daniel Bourdon, c'est ça ? C'est ça. C'est une question qui va faire évoluer le droit à l'égard des mineurs. Ensuite, Jean-Pierre, c'est comme dans l'affaire comme pour le notaire, nous sommes dans le syndrome de la justice inquisitoriale, on cherche des aveux. Que ce soit le juge Pascal ou le juge parisien, cherche absolument des aveux et la question de la preuve arriverait presque en second temps. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, une enquête de police avec les recherches ADN et autres ne fonctionnerait pas du tout pareil et probablement nous aurions eu peut-être la solution et les parents auraient découvert peut-être l'assassin, le meurtrier de Brigitte. Daniel Bourdon, dont vous venez de parler, il avait publié un ouvrage, effectivement, avec des éléments d'information supplémentaires autour de Jean-Pierre. Il l'avait appelé roman. Il a rencontré notamment un homme qui aurait participé au déplacement du corps de Brigitte. On va l'écouter. Hein. C'est un extrait d'un entretien qu'il a donné à la chaîne Grande Ville TV. Ouais, le résultat, c'est que vous pensez tout simplement avoir trouvé l'assassin. Un nom qu'on ne donnera pas ici. Qu'on ne donnera pas non plus réellement, en fait, dans votre livre. Bah, non plus, parce que l'affaire est prescrite. Et que, étant prescrite, on est sous coup de la loi. Et donc, même si aujourd'hui, je donnais ce nom, cette même personne, s'il était toujours vivante, chose que je pense peu probable, pourrait effectivement me traduire devant la justice. Oui, ce qui vous a amené sur cette nouvelle piste, c'est aussi une pépite, comme vous l'appelez dans votre jargon d'ancien policier, un témoignage aussi d'une personne qui avoue avoir manipulé le corps de la petite Brigitte. Tout à fait. Alors bon, si on lit le déroulement du livre, ça semble plus simple, mais en fait, c'est quand même 17 mois avant de retrouver ce monsieur, parce que c'est plutôt une personne qui a plus de 60 ans aujourd'hui. Et oui, effectivement, je retrouve une personne qui... au bout de quelques heures, on va dire, me dit effectivement, m'avoue avoir manipulé post-mortem le cadavre de Brigitte de Wèvre. Ouais. Bon, qu'en pensez-vous, Pascal Cauchy? Vous l'avez lu, son livre? Oui, je l'ai lu récemment, et c'est tout à fait passionnant. Ouais. Bon, c'est vrai que toutes les personnes qui ont travaillé sur cette affaire, au bout d'un certain temps, on finit par avoir une petite idée. Je vais vous donner la mienne. Oui, j'allais vous la demander à la fin d'ailleurs. J'allais dire, et maintenant, votre conviction. À vous, écoutez, allez-y. Effectivement, je pense que assassin il y a, l'assassin n'est pas sur l'écran radar de l'enquête. On est passé complètement à côté. On est passé à côté. C'est un peu le sentiment que l'on a en reprenant un peu la chronologie, en reprenant l'ensemble des documents. Ils sont tout simplement, on ne l'a pas trouvé parce qu'à un moment donné, il n'est pas apparu dans l'ensemble des scénarios qui ont été évoqués. Peut-être que l'enquête aurait continué un petit peu plus, notamment à l'automne, dans les environs de Bruyères, peut-être aurait-on retrouvé quelqu'un. Après, la condition, est-ce que c'est une personne de passage? Est-ce que c'est un rôdeur? Est-ce que, bon, voilà, la question reste posée et entière. Ça veut dire que l'autre question qui serait pourquoi Brigitte Devers est-elle morte, dans ces conditions, on ne peut pas y répondre, évidemment. Non. Il n'y a vraiment aucune piste dans cette direction, même par rapport à la famille, notamment. Non, je crois que on est dans le malheureux concours de circonstances. Est-ce que vous pensez que, au bout du compte, la justice et les enquêteurs ont failli? Parce qu'après tout, une enquête, c'est toujours quelque chose de difficile. Ça peut ne pas aboutir parce que il y a une concordance, conjonction d'éléments qui font que la justice est bloquée. Elle n'est pas toujours responsable, après tout, la justice. Même si, quand c'est pas élucidé, ça reste un échec. Mais c'est pas forcément, la justice n'est pas forcément responsable. Elle n'a pas forcément failli. Est-ce qu'elle a failli là? À votre avis? Non, je ne crois pas. Je pense tout simplement, enfin, du moins sur le segment qui est où le juge Pascal est à l'œuvre, c'est parce qu'il peut-être s'enferme vraiment sur une piste, mais il la poursuit jusqu'au bout. Quand il est saisi finalement au bout de 2 mois, ce qui est très très rapide en définitive. Ah oui. À partir de là, tout est remis à zéro. Mais là aussi, il va exploser l'affaire Jean-Pierre quelques mois plus tard, et donc on va poursuivre complètement jusqu'au bout cette piste, avec finalement peut-être aussi les mêmes, je dirais pas erreurs, mais les mêmes blocages qui peut-être empêchent justement l'enquête de progresser vers d'autres pistes qui ont été nombreuses. Mmh. Il faut savoir que la mairie de Bruay et le commissariat ont reçu une quantité considérable de lettres anonymes et de dénonciations. Il y a eu, on en parle pas toujours, et dans le livre je n'en fais qu'évoquer que quelques-unes, mais il y a eu énormément d'autres pistes qui ont été évoquées. Donc voilà, peut-être une de celles-là était-elle la bonne. On en parle encore à Bruay? Écoutez, j'ai rencontré plusieurs personnes, il y a une certaine pudeur. Ouais. Bon, après il y a aussi l'effet des générations, c'est une affaire oui, ça finit par s'estomper, qui, oui, bien voilà, sûr. Qui finit un peu par s'estomper. Mais je pense que pour toutes les personnes de plus de 50 ans aujourd'hui, Bruès, c'est encore quelques lettres qui veulent dire quelque chose. Bien sûr. Merci infiniment, Pascal Cauchy. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Bruet en Artois, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.